Mais tout de suite, il est 19h passé de une petite minute sur Fadjet et voici le générique tant attendu. Il y a quelqu'un ? Salut. Pourquoi t'es venu ici ? Vous écoutez Fadjet sur 94.2. Tout va bien. Sache que ce n'était pas ta faute. Ça ira mieux demain. L'émission ! Parce que les séries de demain commencent aujourd'hui. Accompagnez-moi. Notre univers est au bord du précipice. Soyez à mes côtés. J'ai un travail à accomplir, alors je le fais. Je sens que je vais me plaire ici. Bienvenue au palais. Ça ira mieux demain. L'émission ! Fadjet. Vous êtes bien à l'écoute de Fadjet, il est 19h passé de deux petites minutes et voici là maintenant, ça ira mieux demain. Eh oui, un nouveau numéro, on va revenir un petit peu classique parce que ça y est, on a évoqué et réévoqué tout ce qu'allait nous attendre en 2023. Dont les deux plus grosses nouveautés, hein, et notamment The Last of Us, qui va nous tenir pendant encore, il y en a 9, je crois, encore 7 épisodes. Il y aura le problème à 4 têtes. Il y a aussi le problème à 3 têtes. T'en as rajouté une de plus. C'est vrai que Laurent et moi... Ça aurait pu être à casse-tête. Ça aurait pu être à casse-tête. Laurent et moi, on a débriefé aussi cette semaine, et on s'est dit que ça peut être aussi un peu... On a des doutes hein, sur le problème à trois têtes. On verra quand ça arrivera et on aura bien sûr tout le temps d'en débattre à l'occasion. Donc là, aujourd'hui, on n'aura pas une vue sur l'année 2024. Non, on va s'arrêter là. On va déjà faire passer, dérouler l'année 2023 et on va revenir à nos petits montages de séries. Et là, on va partir un peu. C'est un peu une spéciale Canal+ cette semaine. Puisque tout à l'heure, dans le parloir, je vous parlerai d'une série que l'on a évoquée aussi la semaine dernière et qui a débuté, que nous aurions pu retrouver hein, dans le Plus Belle TV. C'est la dernière nouveauté de Canal+, depuis lundi dernier. Et là, nous écouterons la bande-annonce tout à l'heure de cette série assez captivante aussi sur Canal. On en reparlera tout à l'heure. Mais avant cela, on aura un parloir qui va nous amener dans une série... complètement décalé sur Canal+ également. Ça s'appelle Désordre. On y revient dans quelques instants. Mais on l'avait prévu la semaine dernière, mais dans notre enthousiasme débordant, nous n'avons pas eu la possibilité de vous la présenter. C'est ma petite chanson fétiche de ce début d'année. Quand je l'écoute, je lâche tout et je me dandine. Il s'agit de la nouvelle chanson de Shania Twain, tellement country mais tellement belle. Voici Giddy Up. Alors si je peux me permettre un conseil, tu dis que tu lâches tout dès que la chanson passe, alors ne l'écoute pas quand tu fais à manger. Oui, ça peut être dangereux. I left my heart at a watering hole somewhere in small town Ohio. Headed out west to Arizona, cause the east coast winter's too cold, cold, cold. Easy come, easy go. I got a fast car with the 90s on, not a soul on the road, but the road is home. Smiles for miles, all up on my face. Cause it feels so good, singing in the mirror like it's Hollywood. Life is getting shorter, gotta drink it up. Time to shine like I know you should. Slide to the left, then slide to the right. Jump in the air till you're 10 feet high. Come on, make it join. Smiles for miles, hold up on my bed. somewhere in small town Ohio. Headed out west to Arizona, cause the east coast weather's too cold, cold, cold. Easy come, easy go. I got a fast car with the 90s on. Not a soul on the road, but the road is home. Up in the giddy up, giddy, giddy. C'était Shania Twain avec Giddy Up. Et voilà, je me suis rassis. Enfin, j'avais pas bougé de mon siège, mais je me dandinais. Laurent peut en être témoin. Voilà, c'est dynamique et ça donne envie. Si je peux me permettre. Allons-y. On va parler d'un de nos fidèles auditeurs. Il s'appelle Sylvain. Mm-hmm. Et il nous a envoyé ce message. Bonjour Laurent et Benoît. Je tenais à vous remercier pour m'avoir fait découvrir cette pépite de Futurman. C'est tellement bien de voir des scénaristes qui osent tout sans tomber dans le niais. Merci infiniment. C'est vrai que du côté de... J'en suis à la saison 2. Du côté de Futurman, c'est assez étonnant. Donc si vous voulez être surpris, faites comme Sylvain et découvrez cette série américaine qui ne paye pas de mine, mais qui vaut le détour. 3 saisons, c'est sur Amazon Prime, donc n'hésitez pas à découvrir, c'est des petits, ça dure une vingtaine de minutes, des épisodes de 20-25 minutes, et voilà, c'est vraiment divertissant à souhait, et c'est bizarre, j'ai pas souvenir qu'à l'époque, puisque ça date déjà de 2-3 ans, 4 ans, voilà, on faisait déjà des émissions sur les séries, et de l'avoir évoqué, ou même cité une seule fois, et donc voilà. Moi je la connaissais pas, hein. Voilà. Moi quand j'ai vu l'appellation Futurman, je me suis dit, oh là, c'est quoi de ça? Oui. J'ai hésité 2-3 fois et après quand je me suis lancé, et là encore ce matin pour déjeuner, j'étais tout seul, j'ai regardé un épisode, et même en saison 2, les scénaristes sont complètement barrés. C'est bien. Donc c'est vraiment le pur hasard, c'est le nom comme ça qui t'est dit, tiens je vais voir ce que c'est. Bah je vais voilà. Tenter, hein. Je vais pas dire à quel service de vidéo je me suis abonné, mais à un moment donné je me suis dit tiens, une série de SF que je ne connais pas. C'est pas grave, je l'ai dit. J'ai dit où c'était, donc. Et voilà, dès le premier épisode, tu te dis, mais j'ai jamais vu de série de SF de ce style. Hein. Là encore, ce matin, il y avait une histoire de se recharger comme les portables. C'est une série qui est de bout en bout assez étonnante. C'est vrai que maintenant, chaque fois que je recharge mon portable, j'ai une petite pensée qui me traverse l'esprit, qui n'a rien à voir avec un téléphone. Allez, sans plus attendre, notre parloir de cette semaine nous invite à découvrir une série de Canal+, qui est arrivée en octobre. Ça s'appelle Désordre. C'est une série d'humour, mais pas seulement. Parce que vous allez voir qu'à un moment donné, c'est plus si drôle que ça. Hein. C'est dans le genre dépressif. Dépressive, l'héroïne, elle en tient un bout. Ça ira mieux demain. L'émission. Désordre n'est pas le titre du nouveau spectacle de Florence Foresti, mais bien celui de la série qu'elle vient de signer, jouée et co-réalisée avec Pascal Sériès, et dont nous parlons aujourd'hui dans notre parloir. Une envie qui habite l'artiste depuis bien longtemps et qui concrétise enfin ce projet qui a débuté en 2016. Tourné en 2021, cette série comporte 8 épisodes de 30 minutes, a été diffusée en octobre dernier sur Canal+, à raison de 2 inédits par semaine. Vous pouvez d'ailleurs revoir l'intégralité de cette série sur MyCanal. Derrière et devant la caméra, on retrouve donc Florence Foresti, qui met en scène sa vie quotidienne de femme, d'amis, de mamans, de célibataires et d'artistes. Au casting, à ses côtés, son agente et amie Béatrice, est jouée par Béatrice Volker, ses bonnes copines Manu et Julia, respectivement interprétées par Laetitia Verken et Anouk Ferral, Christophe Canard prête ses traits à son horripilant voisin, on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure, son complice de toujours Pascal Sériès est incarné par Clément Bresson. Et le jeune Béguin, qui apparaîtra très rapidement au début de la série, est joué par Renan Pacheco. Le papa de Lise est interprété par Stéphane Desbacq et la figure de la mort par Luc Anthony. On notera les apparitions marquées et remarquées d'Audrey Lamy et Baptiste Le Caplin, qui n'hésitent pas à se ridiculiser dans cette série. Désordre raconte le quotidien donc de la célèbre humoriste française. Florence vient d'emménager dans son nouvel appartement, les cartons s'accumulent, l'écriture de son spectacle est au point mort. Débute alors pour l'humoriste préféré des Français, une semaine sans sa fille, dont elle partage la garde alternée avec son ex. Ce sera l'occasion pour Florence de retrouver ses trois copines pour faire la bringue, de le regretter dès le lendemain et de se poser des questions sur cette crise de la quarantaine dont elle semble avoir tant de mal à s'extirper. Et sur scène, dans 2 mois, faut qu'on lance la promo, là. De quoi tu parles ? Mais écoute, Flou, tu nous as parlé de ça hier. T'as dit, je rêve de faire... Un Sex and the City à la française. Faut avancer, là. Je t'ai foutu la paix toute la semaine dernière avec ta fille. Là, ça a eu. Ah, je crois que j'ai plus rien à dire. Ça doit être fou d'avoir du succès comme ça. La célébrité, je veux dire, c'est pas tout le temps rose, quoi. La crème anti-hémorroïde. C'est pour mes yeux. Il y a des moments, ça peut être très, très dur à vivre. Hein. Comme la chimio ? Moins. Tu veux parler de quoi ? Je parle de toi. Florence Foresti, humoriste. Je connais pas. J'ai jamais entendu parler. Il nous faudrait votre date de naissance. 45 ans. On dirait un gros sac. Merci. Bon, 20 sous antidépresseurs. C'est pas mal, t'en penses quoi toi, Bernie ? Oh bah moi je trouve que c'est de la merde, c'est de la merde. De toute façon, tout ce que vous faites, c'est de la merde. Quoi ? J'annule. Oui. Dans Désordre, Foresti s'est donc choisi comme sujet principal. Pas facile à traiter, d'autres s'y sont essayés avec plus ou moins de succès. On pense à Platane d'Éric Judor et aussi la meilleure version de Moi-même de Blanche Gardin, diffusée l'an dernier sur Canal+. Si a priori tout les rapproche, cette plongée dans le quotidien largement romancé d'une humoriste à succès, les deux séries ont en fait pour seul point commun l'autofiction, puisque, contrairement à Blanche Gardin, qui en profitait pour tirer à la sulfateuse sur l'époque et ses contemporains, Florence Foresti, elle, cherche à revenir à la source du genre, c'est-à-dire à elle-même. Il s'agit donc de se sculpter sous tous les angles, le physique, l'âge, les crises d'angoisse, la surconsommation d'alcool, les peines de cœur, la routine, la notoriété, l'ego, la panne d'inspiration et la garde alternée de sa fille. Qui mieux donc que Florence Foresti pour parler de la vie de Florence Foresti ? Parti pris va permettre aux téléspectateurs et téléspectatrices de voir l'envers du décor de sa vie d'artiste et même de s'identifier à ce personnage public. Qui est finalement comme tout le monde ? Car c'est bien là ce que veut démontrer la comédienne. Nous sommes tous pareils, avec nos joies, nos peines, nos espoirs et nos désordres. Avec sa série, Florence Foresti parle d'elle et touche en fait tout le monde. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. Ah. Before, no, no. Yeah. I just wanna tell you right now that ooh, I believe, I really do believe that something's got a hold on me here. Oh, I feel oh, something's got a hold on me right now, child. son véritable ancien appartement, le neveu de son propre chien, sa vraie femme de ménage, des prénoms identiques, seule sa fille reste dans l'ombre pour des raisons évidentes, et la seule facette de l'actrice que l'on ne voit pas vraiment est celle de maman. Mais à part ça, tout est fait pour brouiller les pistes entre la réalité et la fiction relatée par la comédienne dans sa série. Mais loin de nous offrir une Foresti plus vraie que nature, Désordre se résume au grand jeu de « c'est moi, mais c'est pas moi, mais c'est quand même un petit peu moi », avec une succession d'aventures que l'on pourrait aisément pasticher par la série des Martines. Florence célibataire qui drague comme un manche, Florence qui multiplie les gaffes lors d'une vente aux enchères en faveur des malades du cancer, Florence qui fulmine de ne pas être aussi souple que les influenceuses taille mannequin qui peuplent son cours de yoga. Foresti enfile les clichés sur cette sale crise de la quarantaine, cette notoriété qui la fait suffoquer et le grand amour après laquelle elle court sans y croire. À ce titre, la série assume parfaitement son côté comédie romantique à la Sex and the City, à qui elle rend un hommage parodique appuyé dès le premier épisode, et aussi au générique assumé. Même si Désordre est beaucoup moins glamour que Sex and the City, elle y pioche tout de même quelques ingrédients que l'on aura reconnus si on est fan. L'héroïne donc connue, son appartement, sa bande de copines et ses sorties. Même son béguin sur le jeune vendeur de chaussures nous rappelle le couple formé par Sam et Smith. Les histoires sentimentales de Florence et ses amis sont bien évidemment abordées dans la série. Au final, Désordre n'a pas besoin d'être comparé à Sex and the City et elle a son identité propre à la française. Mais voilà, la comédie romantique va virer au fil des épisodes un peu à une comédie dramatique lorsque Florence va tomber dans la dépression, rongée par la peur, détrapée par l'oubli et la mort. La grande force de Désordre est de naviguer constamment dans cet entre-deux, entre rire et larmes, et ceci est quelquefois déstabilisant. Anxiété, hypochondrie, avortement, dépression, suicide, les sujets sensibles évoqués dans cette série ne manquent pas et donnent même leur nom au titre Désordre. C'est dire s'ils tiennent un rôle important dans la vie de l'artiste. Mais Foresti, qui rappelons-le, fait également ici ses débuts de réalisatrice, avec pas mal de peps, parvient à emporter le morceau en mettant toute son énergie au service de son meilleur personnage de fiction, elle-même. Car Florence nous propose ici ce qu'elle sait faire de mieux, l'humour, que ce soit quand elle fait parler son chien, quand elle galère au yoga, quand elle se retrouve à la pharmacie avec des serviettes hygiéniques XXL et un anti-hémorroïde face à son crush, quand elle se coupe les cheveux en voyant une couverture de magazine ou qu'elle se ridiculise dans des événements officiels, elle nous fait rire, même si certaines situations sont parfois clichés, elles sont assumées. Des seconds rôles épatants, comme le fameux voisin qu'elle retrouve toujours sur son chemin dans l'ascenseur, ou son ami qui passe continuellement sa vie à se balader en slip dans son appartement. Mais là, le côté rire, on bascule du côté sombre, car en effet, dans cette série, la mort rôde quasiment à partir de la moitié de la série. Ce compagnon de vie qu'elle traîne comme un boulet, la suit au quotidien et empoisonne son mental. En fin de saison même, Florence Foresti va traverser un épisode dépressif qui va la plonger dans une apathie et une neurasthénie profonde. La dépression ici n'est pas glamourisée, on vit sa maladie telle que la comédienne la vit. Et là, franchement, on n'a plus du tout envie de rire. Et même si elle a tout pour être heureuse, comme lui dit son ami Pascal, en pensant l'aider, elle n'y arrive tout simplement pas. La réalisation retranscrit parfaitement son état d'abord bancal et enfermé. Elle va devenir lumineuse et extérieure. Puis Florence va trouver des petites joies pour remonter la pente, voir sa fille danser, caresser son chien, monter sur scène. Et Florence apprend à s'accepter. Chaque petit pas qu'elle fait est un grand pour elle. Et c'est ainsi que Désordre va terminer sur une note positive. L'espoir et un avenir. Une série originale qui, même si elle collectionne des clichés, n'en aborde pas moins des sujets délicats et difficiles d'une manière originale. Et on peut dire bravo à Florence. Elle a réussi son pari. Elle a réussi son pari également musical, car elle a su poser à divers moments de très beaux morceaux musicaux, à la manière de Sex and the City, bien sûr. Alors, à quand la saison 2 ? Florence, on l'attend avec impatience. Ça ira mieux demain. L'émission ! Ça began all day to like talk. Animals they in human form. Body man nobody like walk. But you must hustle. Voilà Florence Foresti dans cette belle série Désordre que je vous invite à regarder hein, sur Canal+. C'est très déstabilisant hein, parce que, comme je vous l'ai dit hein, dans ce sujet, on connaît Florence Foresti comme quelqu'un qui est drôle et qui va nous emmener dans un grand fou rire. Et on se rend compte à cette série-là qu'il y a tout un côté sombre. Et elle a apporté vraiment beaucoup de choses dans cette série. On aura sans doute l'occasion d'en reparler s'il y a une saison 2. Allez, tout de suite, le palais, et on enchaînera directement avec la bande-annonce de la nuit où Laurie Gautret s'est réveillée. Bienvenue au palais. La nuit où Laurie Gautran s'est réveillée. C'est une série télévisée franco-canadienne à réaliser, écrite et jouée par Xavier Dolan. On en avait parlé la semaine dernière. C'est une série qui se passe au début des années 90. Mireille, son frère Julien et leur ami Laurier forment un trio inséparable. Pourtant, une nuit d'octobre en 1991, leurs destins vont être à jamais bouleversés par un terrible incident et leur route va se séparer. Mais bien plus tard, tout va revenir. Alors, Laurent est là, il va me dire ouais, tu rajoutes un peu de neige et ça fait et ça fait piste noire. Non. Hein, non. T'oserais pas. Hein. Non, bah non, on n'a pas le temps. Ouais. Allez, on écoute la bande-annonce. Comment tu te sens ce matin? Bien. Bien. Avec la mort de ma mère, ma famille est fragile. Ça fait remonter de vieilles affaires. Des choses, des gens qui appartiennent au passé. Au passé, comme quoi? Comme qui? Ta sœur? D'après moi, avec maman qui vient de partir, ça devrait pas être long avant qu'elle réplique. Salut, Julien. Enfin, mais qu'est-ce qui t'a pris, putain de merde? Non, mais bordel de merde! Tu savais bien que ça arriverait, non? Dans quel monde tu vis? Elle a rien à foutre ici. Surtout si c'est pour remuer la merde. Ressortir des vieilles histoires du passé qui ont rien à voir avec le présent. Le temps arrange ces choses-là. Il vient un temps où on grandit. On regarde les gens pour ce qu'ils sont. Ce temps-là arrivera pour toi, Mimi. Pour nous. On veut plus en entendre parler de ce qui s'est passé cette nuit-là, de toute cette putain d'histoire de merde, de Laurier Gaudreau. On veut plus en entendre parler, plus jamais. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? Eh bien, il faut regarder Canal+. C'est cette série qui a débuté lundi soir et qui, qui aura lieu tous les lundis pendant encore quelques semaines. Avant de se quitter, juste une info qu'on a eue cette semaine. En début de semaine, on a appris que Camélia Jordana, la chanteuse que tu affectionnes, que tu aimes bien Camélia Jordana, eh bien, se lance dans une série. Elle sera la star d'une série sur Disney+, qui s'appelle Irrésistible, une comédie romantique en 6 épisodes de 30 minutes. Elle jouera le rôle d'une créatrice de podcast qui tombe amoureuse d'un mathématicien au premier regard. Sauf qu'elle est en crise de panique à chaque fois qu'elle le croise. Voilà le pitch de cette série. Ça s'appelle Irrésistible et c'est avec Camélia Jordana, certainement à la fin de l'année, sur Disney+, au début de l'année prochaine, le temps que ce soit tourné et mis en boîte. Voilà ce qu'on pouvait dire de son « Ça ira mieux demain » l'émission. Je vous retrouve moi dans une demi-heure pour le Hot 40 et avec Laurent dès la semaine prochaine. Bon week-end. Bon week-end. Bye bye.